Hey, on est-tu bien? On est-tu bien? C'est le bord de la Tamise, c'est comme ça. Ouais. C'est sûr que là, il y a une petite vague parce que je pense qu'il y a un. Mais je pense qu'il y a une frégate ou un trois mâts qui vient de passer en dessous du pont. C'est beau quand même. Puis là, juste en face, il y a la tour de l'Orgue. On pourrait traverser la Tamise à la nage. Ben oui, on peut plonger juste ici, parmi les mégots puis les cochonneries qui traînent. Ouais. C'est pas joli, ça. Non, c'est de la cochonnerie anglaise, ben par oui. exemple. Mais, ou pourquoi touristique. Pourquoi les Anglais sont si bien élevés? J'ai lieu des touristes, ça. Ah oui, ça, c'est de la cochonnerie qui vient des États-Unis. Ouais. Ça vient d'Ogunquit, ça. Si je le vois, le clam chowder, c'est ça, clam dégueu. Je viens de voir le casseau passer. Ah, boy. Non, mais... Ah, shut up. C'est le plus beau jour de ma vie à Londres, avec Marc Labrèche et Anne Dorval, une émission signée Francis Legault. Le soleil brille et le Tower Bridge se découpe dans le ciel de Londres. La brise est fraîche sur le bord de la Tamise. Anne est venue voir Marc pour sa dernière représentation des Aiguilles et l'Opium au Théâtre Barbican. Il est 4 heures. Anne et Marc ont troqué leur classique apéro pour l'afternoon tea. Ils ont rendez-vous avec Sophie au très select Brown's Hotel. Dans la salle à manger, ils sont fascinés par le maître d'hôtel Michele et ses descriptions de petits sandwichs pas de croûte. So, at the bottom, the finger sandwiches made of smoked salmon and pickled cucumber. Okay. Everything is made in-house, by the way. Mm-hmm. Smoking and pickling. Okay, alors là... Des petits sandwichs pas de croûte, évidemment. Concombre et saumon fumé. Fait à la maison. Tout est fait à la maison ici. What's upstairs on the second floor? Coronation chicken. Okay. Crushed avocado with prawns tomato scone, in fact, okay. with the goat's curd, whipped goat's curd. Ah, il y a toutes sortes d'affaires. Alors, sûr, là, pour, il y a une purée d'avocat avec des crevettes. Oui, un fromage de chèvre. Scone aux tomates avec un petit fromage de chèvre mousseux, là. Ils l'ont battu, ils l'ont fouetté. Oui, mais c'est ça, ils battent la chèvre avant. Puis après ça, ben, elle sort du fromage. Elle sort du fromage. Elle est déjà transformée en fromage. Même chose avec la crevette. Il faut battre la crevette dès que tu pêches. En principe, ça, c'est une affaire que... Ça, c'est Kevin Parent qui m'avait dit ça. Faut que tu battes la crevette dès que je sors. Tu t'apprends, puis t'as fait suquer. Ah! Fait mal, ça? Tu fais un punishment. Ah oui, fishing. Punishment fish. Puis là, après ça, tu la mets sur un scone, puis tu peux la manger. Ah, c'est ça. OK. That's a scone. Oh, yes. Thank you. Plain and with the raisins. OK. Oh. It's the best day of my life. Ah! Oh. Je l'ai dit en anglais. Tu l'as dit en anglais, non, c'est très, très bon, ça. J'ai une fixation sur les scones, mais on va le laisser parler. Oui. OK. So. Served with clotted cream. And homemade strawberry jam. Oh, perfect. Perfect. Thank you so much. Pleasure. Hey, c'est d'une beauté. Yeah. Sans, non, je vais la prendre en photo. She's really tripping solid on your cream. I love. I got more, madam, if you need. Oh. Thank you so much, Sophie. Thank you very much for all this and for your country and for your beauty. And for your civilization, and for your scones. Oh, and your clotted cream. And your clotted cream. Above all. Above all. Anne just told me this is the best cream. The best clotted cream I've ever eaten. Oui, oui, c'est la meilleure clotted cream que j'ai jamais mangée. Eaten. Oui. Oui, c'est le participe passé de eat. Yeah. To eat. You should have eaten. And eaten. Eaten. I've had eating. I've been heat. I've been heat. Eaten. Eaten. Eaten. Il y a la bille, il y a eaten. So it's the best we've ever eaten. Well, I'm very relieved to hear that. Deliciously rich clotted cream. Okay, so you have. Do you have a special? Avez-vous une recette secrète pour concevoir tout ceci? Ou est-ce que on peut pas reproduire afternoon tea avec autant d'élégance à la maison? We have a wonderful pastry. Nous avons un chef pâtissier extraordinaire qui détient une très ancienne recette de scones. Nous faisons de petits scones que vous pouvez, en théorie, déguster en grande quantité. On peut en manger beaucoup. We can a lot of those. And, so what's the story about? Cet hôtel ici là, sera le plus vieux à Londres? Oui, c'est correct. L'hôtel Brown appartient aujourd'hui à la compagnie Roccoforte et c'est le plus ancien à Londres. Il a ouvert ses portes en 1837 et actuellement l'hôtel a été fondé par James Brown, le majordome du poète Lord Byron. Yes. Oh, yes. Oh, I didn't know that. I didn't know that it was the... Oh, yeah, OK. Ah, oh, c'est bien cool, ça. So, and you're... Depuis combien de temps travaillez-vous ici? J'ai travaillé ici depuis 5 ans et demi. J'adore cet hôtel. C'est une famille avec toutes sortes de couches. Des concierges, des chefs, l'équipe d'entretien. It's like Downton Abbey. Oh. C'est charmant, ça. C'est une famille. C'est comme Downton Abbey. Oui, c'est merveilleux. Et, is it true that est-ce que c'est vrai qu'Agatha Christie est restée ici ou qu'elle a pris l'hôtel comme une nouvelle? Yes. Oui. Agatha Christie avait l'habitude de venir ici. Oui, elle restait ici. Et elle a écrit un roman qui s'appelle « À l'hôtel Bertram ». Et ce roman est inspiré par Brown. When you read the novel, you can see that she's describing Brown's hotel and you can see elements of that today. Oh, bon. Oui, incroyable, ça. Oui. Mais non, je savais rien. Personne ne me dit jamais rien. Mais je suis tellement contente de le savoir. Ben oui, mais c'est ça. Agrippine Teastwick, la fameuse auteure de Polar. Est-ce que c'est une tradition que pour penser que des aborigènes comme nous qui viennent de trop loin, est-ce qu'on pense que nous, vous faites le thé encore à 4 heures? For the tea at 4 o'clock. And do you still do that? Is it still... Afternoon tea is a huge tradition. Le thé d'après-midi est une véritable tradition en Angleterre. Still very, very popular. So afternoon tea at Et le thé d'après-midi ici au Brown est très célèbre. Beaucoup de gens viennent à l'hôtel pour en profiter. Ça va-tu, Anne? Mais moi, je habiter ici, je vais vivre ici. Okay, Anne wants to live here. Is it possible to Yes, that's absolutely fine. Of course. Yes. We'd welcome you to move in. No problem. Thank you. You're so kind. Is it true that the Victoria Queen installed the afternoon tea officially? It was actually one of her ladies in waiting. C'était en fait une des dames de sa suite, la Duchesse Bedford. Oui. Oh. And she was described as feeling a little bit peaky. Elle avait la réputation d'être un peu fatigante en après-midi. Bread with butter. Elle a fait la demande qu'on lui serve du pain avec du beurre vers 16 heures. Et c'est rapidement devenu une tradition de manger quelque chose entre le dîner et le souper pour que les dames puissent continuer leur journée. C'est devenu une tendance chez les gens aisés. OK. But it was not only c'est pas seulement dans la classe aisée. Le thé est partout. Toutes les classes sociales, ça donne à la tradition. Drawn to this tradition, no? Absolutely. Absolument. We stop for cups of tea every 5 minutes. Dès qu'il y a un problème, une petite conversation compliquée, ou même une crise, on prend une tasse de thé puis on réfléchit à tout ça. C'est charmant. Dès qu'il y a une crise, Vous avez bu beaucoup de thé durant l'épisode du Brexit, j'imagine. Il y a eu beaucoup de thé bu récemment. Oh yes, I guess so. I guess so. And in fact, the scones, when you have your scone, quand tu manges ton scone, il faut le défaire avec ses mains et pas le couper avec un couteau. C'est le moyen poli de le manger. Et si vous vivez dans le comté de Devon, les gens mettent de la crème fraîche en premier, puis la confiture, alors que si vous vivez dans le comté de Cornwall, vous mettez la confiture, puis la crème fraîche. How charming. I'm more Devon. You're more Devon. Ah oui, oui, oui. Moi, je mets toujours ma crème et ma confiture après. We do that also in... if you're in the county of Montreal, or if you're in the county of NDG, or even Saint-Lambert, you put the cream clotted before, cream. The clotted cream before, and then the jam after. I know that. I know that for a fact. Mm. But if you're feeling clever... Si vous vous sentez brillant, vous pouvez même sauter le dîner et le souper en ayant un énorme afternoon tea. And make it last for 4 hours. Tu peux faire durer ça pendant 4 heures, avec des sandwichs et des scones et des pâtisseries. C'est un gros repas. Effectivement. Maintenant, après un repas aussi généreux que ça, est-ce que cela arrive que des dames anglaises, par exemple, sortent dehors à l'hôtel avec un doggy bag? With doggy bag of this? Yes, of course. Of course, you can bring it at home. Of course you can. We do. Oui, on les met dans une belle petite boîte. And it's not a little shocking for you to Nothing shocks us at Brown's. Oh, regarde, ils sont polis, ils sont bien élevés. Okay. Voyons, il n'y a rien qui choque ici. Mm-hmm. On peut tout demander. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel all right. You know I work all day to get your money to buy your things, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. Come on! When I'm home, everything seems to be right. Yeah. When I'm home, feeling you holding me tight. Yeah, it's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. Ow! Come on, George! Yeah! Oh, mon Dieu! Lovely! Second time, my God! It's bon! So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. Come on! When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight. Tight, yeah! It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. Thank you very much. Thank you. Comme partout où elle voyage dans le monde, Anne Curieuse écume les librairies londoniennes. Assise sur un banc au bord de la Tamise, elle partage avec Marc sa dernière trouvaille. J'ai trouvé un livre qui s'appelle La Maison Windsor. Savais-tu ça, toi, que ça a l'air que la famille royale sont bien radins? Oh ben... La reine, il paraît qu'elle est radine. Ah, ouais. Ah, c'est une grosse jipette. Ah, ouais. Puis le prince Charles, pareil. Ça gratte la Seine. Ah, ouais. Écoute, j'ai trouvé un livre ici sur la famille Windsor. Ils disent. Attends, je vais le retrouver. Hey, les Windsor sont tous des radins. Ça commence demain. Ça commence demain. Dit John Barrat. John Barrat, je ne sais pas si ça doit être un journaliste. Tous, de la reine jusqu'en bas, et c'est la pire du lot. C'est effrayant. Ben, voyons donc. Ils paient mal leurs employés parce qu'ils considèrent que c'est un honneur de les servir. Ils offrent des cadeaux minables. Il a bien choisi son adjectif, minable, et seulement pour Noël. Une fois, la reine offrit à sa blanchisseuse un sac de pince à linge. Un cadeau utile, pensait-elle. Elle donna à sa couturière un fer à cheval aimanté pour ramasser les épingles qu'elle faisait tomber pendant les essayages. Oh, t'as peut-être une façon de lui dire t'es une grosse incompétente, puis ramasse-toi, maudite folle. Sinon, je te débarque d'ici, puis quelqu'un d'autre va te remplir. Les corbeaux vont te manger les yeux. Oh, mon Dieu, peut-être pas aussi violent que ça. Ils disent ici, le prince Charles n'aime pas dépenser. Bon. Dit son ancien valet, Stephen Barry. Ah, ben là, il est peut-être... C'est pas très... Ah, c'est pas gentil de parler dans le dos de son... Mais ça, ils font de tous. Son maître. Ouais, peut-être qu'il trouve toujours tout trop cher. Comme sa mère, Charles compte les poulets dans le congélateur. Ben, dans chacun de ses palais. Et d'après un de ses secrétaires. Il insiste pour qu'on réchauffe et serve les restes jour après jour jusqu'à ce qu'épuisement, car il ne supporte pas le gâchis. Ouais, mais ça, je peux comprendre, parce que moi non plus, j'aime pas ça gaspiller. C'est pas une affaire de radinage. Pourquoi jeter le poulet ça, par les fenêtres, puis oui, voyons, là, oui, mais on là, jette pas un poulet. Non, mais là, quand là manger bon, des restants bon. Jusqu'à temps que quelqu'un meurt. Ben, c'est sûr que c'est pas fin. Ça doit être plate. Il utilise une pièce d'une livre en argent pour presser ses tubes de dentifrice afin de ne rien perdre. Et il exige que les tubes soient recyclés. Ben voyons, mais comment il peut savoir ça, Richard Barrett? Je sais pas, mais on s'en fout. C'est peut-être même non, pas c'est vrai. Peut-être juste ça a valu un... la peine de faire un livre là-dessus. Mais ils l'ont vendu à des milliers d'exemplaires, ce livre-là. Ah oui? Oui. La maison Kitty Windsor. Kelly, la maison Windsor. Elle s'appelle Kitty. Secret et scandale à la cour d'Angleterre. C'est merveilleux. C'est ça, hein? Oui. Oui, il y avait une petite tension hein, entre Elisabeth et sa sœur Margaret, parce que Margaret... Ben, j'imagine. Ah oui, Margaret, elle y allait... Elle la voulait, c'était une party animal. Oui, oui, oui, c'est ça, elle la voulait fort. Elle se tenait 54 avec Mick Jagger. Oui, avec Ray, oui. Oui, elle sortait, elle, oui. Elle a même sorti avec John Turner, savais-tu ça? Ah, non? Oui. Ah, elle est sortie, ouais. qui était un assez bel homme quand il était jeune. John Turner, oui, ouais. Dans le genre. Elle est sortie avec. Cadet, là. Puis la reine était tellement fâchée par les turpitudes de sa sœur, selon elle autodestructrice, qu'elle ne lui adressa pas la parole pendant des semaines. Elle dit que sa sœur menait une vie de chatte de gouttière. Ça, c'est pas fin. Et la répulsion de la reine favorisa les critiques sur les débauches de Margaret. Donc, c'était assez connu, là. D'après une blague qui circulait à l'époque, la reine et sa dame de compagnie se promenaient en Rolls dans la campagne quand des malfaiteurs les doublèrent et les obligèrent à se rabattre. Les voyous, qui n'avaient pas reconnu les passagères, exigèrent leur argent et leurs bijoux, mais ne trouvèrent que les sacs à main vides. Ils firent descendre les deux femmes et s'enfuirent avec la Rolls. « Où est votre jolie bague ?» demanda la dame de compagnie après le départ des malfrats. « Je l'ai cachée, » dit la reine. « Où ?» Dans un endroit très intime. Elle l'avait mis dans ses culottes. Hey. Il paraît. La reine examina alors sa dame de compagnie et lui demanda où était son diadème. Je l'ai caché, répondit la dame de compagnie. La reine parut étonnée. Au même endroit que vous, c'est ça, la dame de compagnie. Ben voyons. Un diadème dans les culottes, ça doit piquer, ça doit... Ben, ça dépend dans quel sens. Ben oui, mais ça, c'est un gros rond, des typiques partout. Oui, c'est vrai que si t'as la barrette pour accrocher dans les cheveux... là. Ah, fit la reine en souriant. Dommage que Margaret n'ait pas été là. Elle aurait sauvé la Rolls. C'est épouvantable. Hein? C'est très drôle. C'est épouvantable. C'est très drôle. Dans le but d'être fin prêt à une éventuelle invitation à Buckingham Palace, Anne et Mark décident de rencontrer Robin Millard, correspondant royal pour l'agence France Presse. Robin, comment je vous appelle? Robin. Ah, comme vous voulez. OK, Robin, c'est bon. Moi, je dis Robin, mais... Robin? Mais si vous préférez Robin, comme non, Robin, non, c'est on beau, peut Robin. Dire à l'anglais. Mais Robin, c'est beau. Vous êtes un anglais. Oui, let's keep in the... Et en plus, je viens du forêt de Sherwood, donc je suis vraiment Robin des bois. Oh, you're the one. De vrai. Oh, yes, c'est moi. You're not c'est dressed lui. Like him, but c'est I believe Robin you. Des bois. Oui, c'est Robin des bois. Il manque juste une petite fléchette. Ben oui. Alors, donc, cette année, vous étiez là au jubilé de Sa Majesté. Vous avez suivi tout ça, les cérémonies, son anniversaire. C'est 90 ans. Il y avait une grande fête devant le palais de Buckingham. Il y avait plusieurs mille personnes là, assises, qui prennent la high tea, comme vous avez fait. Mais maintenant, les choses sont un peu plus calmes. Ben oui, c'est bien normal. Elle fait pas elle fait plus de gymnastique, là. Ah non. Mais elle... She still rides horses, comment dire. Mais elle continue de elle est cavalière encore. Elle monte sa bête, elle monte son cheval. OK, tous les week-ends, elle s'en va... À Windsor. À Windsor. Quand elle est à Windsor. Et comment s'appelle le cheval royal? Le cheval royal. Bibit? Je ne connais pas le nom du cheval préféré en ce moment, mais avant, il y avait un cheval qui était donné par Canada, qui était son favori, qui s'appelait Burmese. Et c'était donné par les... Royal Canadian Mounted Police. Ah oui, OK. Alors, c'est un cheval du Mont-Royal ou du Montréal qui l'ont donné. Ça, c'est le cheval le plus célèbre de la reine. Supposons qu'on rencontre la reine, nous deux, là. Supposons qu'elle nous reçoit aujourd'hui pour le 4 o'clock tea. Encore? J'aime ça manger des scones. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux? C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qu'il faut? On n'a pas le droit de lui serrer la main. Est-ce qu'on peut la regarder dans les yeux ou on ne peut pas faire ça? Bien sûr, oui. Oui? Oui, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Ok, c'est si tu fais ce que la reine fait, tu sais, tu auras pas de problème. Ah. Si la reine se lève, tu te lèves, ouais. Si la reine a fini de manger, toi aussi. Oh, t'es obligé de faire ça. La reine arrête de manger, t'es obligé d'arrêter de manger aussi. Tu peux pas finir ta bouchée. T'es pas strictement obligé de le faire. Mais si tu veux avoir une invitation la semaine prochaine, ah oui. Ça sera mieux de le faire. Okay. Ah oui. Ah oui, c'est bien ça. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'elle mange beaucoup? Est-ce qu'elle finit ses scones, la reine? Ou, ouais, elle mange comme une petite oiseau? C'est pour ça que c'est toujours une bonne idée de manger vite. Ah oui, c'est ça. C'est mieux de finir avant elle, finalement. Apparemment, la reine Victoria, elle mangeait très, très, très vite. Ah, donc, ah bon? Si tu étais assis avec elle, manger... Ah oui, ah t'avais oui, besoin de... Ah oui, il fallait que tu te dépêches, c'est dans vos entrées d'être très rapide. Ah oui, c'est ça, il Par faut exemple, comme... au petit-déj, elle mange dans les boîtes plastiques. Ah, ah bon? Oui? Oui. Mais pourquoi? Comme dans des boîtes de plastique? Oui, les TV. Comme des take-out ou des petits trucs... Des Tupperware. Ben voyons, ah, ouais. Pourquoi? Je sais pas, elle l'aime comme ça. Elle aime comme ça. Comme ça, c'est dans une boîte, tac-tac, c'est bien réglé. C'est très curieux, ça. Oui. J'imagine que c'est son mari, le duc d'Edimbourg. C'est un ancien mec du Royal Navy. Ah, il était... J'imagine qu'il aime bien les choses bien réglées. Oui, et puis habitué... Exactement, le même cantine, numéro de pièces de muesli chaque matin. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est comme... chose. Ben oui, un petit peu long, plein des fois. Funky Picnic Queen. Mais oui, je comprends bien, mais ben mon oui, Dieu, ça, moi, j'aime tellement la variété. Ah, ça doit être oui, long, tu peux mettre la variété, tu peux changer ta couleur de couvercle. Oui, mais là... Ta forme de Tupperware. Ouais, maintenant, il s'en vend, là, des fun, là. Il y en a, là. Il y en avait 8 différentes grosseurs quand je passais des glades, là. Oh, Seigneur. Vas-tu finir? Et comment on s'adresse à elle? On dit Your Majesty? Il faut attendre que... Oh, qu'elle parle à vous. Et d'abord, c'est votre majesté. Et après ça, c'est ma'am. Ma'am. C'est pas ma'am, c'est ma'am. Ma'am, madame. Ma'am comme jam. Jam, ma'am. Comme dans James Bond. Pas ma'am comme jam. Okay. Ma'am. OK, ma'am. Her majesty. Ma'am. Mais James Bond disait ça aussi à Judi Dench. Ma'am. Il l'appelait ma'am. Puis moi, quand j'ai vu le film en anglais, je pensais qu'il l'appelait maman. J'ai fait, il faut attendre pour que... Pour serrer les mains, il faut attendre. Il faut attendre que... Oh, donc, on a le droit... De lui serrer la main. On a le droit de toucher sa main, sa royale si elle, main. Si elle offre la main. Si elle ne l'offre pas, c'est. Anciennement. J'ai rencontré la reine une fois. Ah bon? Et j'étais. Je pense que j'étais si excité que j'ai oublié. J'ai dit bonjour, votre majesté. Ah, je pense que j'ai oublié, mais apparemment, ce n'est pas un problème. Non, elle mais on peut dire ça. Bonjour, votre majesté. Elle comprend que les gens sont excités. Est-ce qu'elle rit? Est-ce qu'elle a un sens de l'humour? Est-ce que vous êtes, elle a dû vous trouver charmant de faire cette petite erreur-là? Elle devait être touchée par votre réaction, par votre excitation, non? Non. J'espère. Mais est-ce qu'elle sourit parfois? Parce qu'il me semble qu'elle ne sourit pas beaucoup. Je ne l'ai pas vu souvent ça. En fait, je ne l'ai jamais vu sourire. As-tu déjà vu sourire? Oui, oui, oui. Oui, j'ai un programme. Il y a une application sur iPad. The Queen Toutes Smiles. Toutes les faces de la reine. Oui. Tu l'as vu sourire. Oui, oui, moi, je n'ai jamais vu la reine sourire. Elle ne sourit pas beaucoup. Peut-être que ça fait mal si tu dois, faire ça pour 90 ans. Oui, sans arrêt, donc, elle est mieux d'avoir une petite face neutre. Ben et oui, puis, c'est ça. Où est-ce qu'elle s'habille? Oui, puis ses chapeaux et tout. Elle a ses fournisseurs personnels, j'imagine. Elle a son petit fabricant de chapeaux, son petit... Il y a une femme qui travaille avec elle, qui fait tout ça. Elle, qui fait tout ça? Oui. Elle choisit les tissus pour la reine. Ou oui. Elle choisit tout, tout, tout. Vous allez avoir un petit kit bleu aujourd'hui. Demain, c'est un kit rose. Oui, et les couleurs sont toujours très vives parce que la reine, en fait, elle est assez petite. Ah oui. Donc, pour qu'elle puisse être vue par le public, elle porte des couleurs très vives et les chapeaux très grands. Oui. Comme ça, même si tu n'as pas vu le visage... Tu as vu son bout de chapeau. Ah. J'ai vu la reine. J'ai vu la reine parce que tu as vu le chapeau. Oui. On peut pas lui mettre la main sur l'épaule comme ça si on veut prendre une photo avec elle. On peut pas prendre un selfie avec la reine, j'imagine. La reine, elle a fait quelques selfies et photobombes aussi. Et photo quoi? Photobombes. Ah, ben voyons. Quand t'apparais dans une photo... Ben voyons, la reine a fait ça. Au jeu de Commonwealth à Glasgow, il y a 2 ans, elle a fait ça. Elle a fait un photobomb. Oui. Sur quelle photo? C'était deux athlètes australiens, je pense. Mais voyons, et, mais tout match. Ils ont fait une selfie et puis le queen est devenu derrière. Ah oui. Mais c'est bien drôle. Ah, elle a quand même du guts, la reine. Ouais. Elle est quand même Il y avait un petit enfant au garden party qu'elle a fait qui a dit « Est-ce que j'ai pas avoir une selfie? » Donc, elle a dit oui. Elle a dit oui. Oh, ben, c'est sympathique quand même. Ah non, elle est super funky, le fun. Mais oui, mais moi, c'est parce que je ne l'ai jamais vue sourire. Fait que je pensais qu'elle était un petit peu... Non, je comprends, de loin. Mais est-ce qu'elle fait du sport? Est-ce qu'elle s'entraîne? Est-ce qu'elle fait trampoline? À part l'équitation, À part l'équitation, je pense pas. Cheval d'arçon? Ah non, elle fait pas ça. À part l'équitation, non. Et aussi, ses chiens. Ah oui, elle marche ses chiens. Ah oui, oui, oui. Donc, elle marche les chiens? Ben oui. Donc, ça c'est sport. Ah oui, c'est elle qui le fait. Elle laisse pas ses chiens à une gardienne de chiens ou pour non, faire la petite promenade. Elle, elle adore être avec les chiens parce que les chiens et les chevaux sont les seuls dans le monde qui savent pas que c'est la reine. Elle a besoin de ça. D'avoir un contact privilégié avec quelqu'un. Ils savent qu'elle est le chef, mais pas qu'elle est... Oui. Et puis ils n'ont pas peur du fait que ce soit la reine. Ça, c'est merveilleux. Mais ça, c'est moi aussi, j'ai besoin de ça, des animaux pour ça. Sentir que... Tu sais, les écureuils, là. Oh oui, qui te prennent, qui t'acceptent tel que tu es, puis qui ne soient pas impressionnés parce que tu t'appelles Marc-Abrèche. Moi, les écureuils qui viennent chez moi, là... Moi, j'aime pas beaucoup les écureuils. J'en ai beaucoup chez moi. Mais ça, j'en ai déjà parlé. Quand tu me dis que tu n'as pas de fille, je sais parfaitement que tu mens. Tout le monde sait que tu me trompes souvent. Alors méfie-toi, je t'avertis maintenant. Ces bottes sont faites pour marcher et tu vas le regretter. Car je mettrai ces bottes un jour ou l'autre pour te quitter. Tu mens tellement que c'est plus fort que toi. Et tu ne sais jamais où est la vérité. Comme tous les enfants, tu crois être un homme. Mais toi, dans ma vie, tu ne m'as rien donné. Ces bottes sont faites pour marcher. Et tu vas le regretter. Car je mettrai ses bottes un jour ou l'autre pour te quitter. You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get burnt. Well, I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows, you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Yeah. Start walking. Ces bottes mènent Anne-Marc à la station de train la plus achalandée de Londres. Il s'apprête à rencontrer Amber, une des guides touristiques les plus colorées de Londres. On est à la Waterloo Station. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Non, j'en ai aucune idée. C'est encore une de tes fameuses surprises de voyage. Surprise. Je sais pas, c'est que, ben oui. On va faire un tour, une visite des plus vieilles toilettes de Londres. Ben voyons. Ça s'appelle le Loo Tour. Le Loo Tour. Loo. Parce que L-O? Ici, oui, L-O. Et tu sais qu'ici, on ne demande pas where's the toilet. On va dire non. Where's the Loo. Where's the Loo. Where's the Loo. OK. Et ça viendrait, vais sortir mon petit papier parce que là aussi, je... Hey, tu voyages vraiment avec des papiers, t'es merveilleuse. Hein? J'ai t'as pas tout imprimé sur... Non. Bon, l'origine du mot n'est pas claire. Voici une hypothèse. When people flung their potty waste out the window, they would shout, gardez l'eau. Gardez l'eau, en français. That's French for watch out the water. We probably get the word loo from this expression, although some people think it comes from room 100, room 100, en fait, 100, oui. Which is what European people used to call the bathroom. OK. Ah, ça, fait que c'est ça. C'est un des deux, mais tout ils sont même possible. Pas sûrs. Fait que ça aussi, ça peut être une vue de l'esprit, là. Ça peut être une invention. Ouais, c'est ça, il y a toujours... On aime ça inventer, alors peu, on est pour. Puis là, ça dit que les toilettes sont par là. Il y a beaucoup, beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Oh, des écoliers. Oui. Bonjour. Hello. Hello. Hi, how are you? Hello. Welcome to the London Loo Tour. My name is Amber Lou and I'm your tour guide for today. Amber Lou. Lovely name. Thank c'est vraiment merci. Un joli nom, Amber. Cette tournée des toilettes de Londres a été créée par mon amie Rachel, la Lou Lady, qui est venue de Californie, qui était scandalisée après être déménagée à Londres et découvrir qu'il fallait payer pour faire pipi. Non, ça, c'est pas bien. C'est en cherchant des endroits gratuits où faire pipi que Rachel en a appris plus sur les toilettes de Londres. Après avoir blagué sur le sujet avec des amis, elle a décidé d'offrir des visites guidées des loos. On lui a suggéré de faire ça à temps plein, et c'est ainsi que le London Loo Tour est né. On était amis sur Twitter. Ben oui, tous les Américains d'étrangers sont tous amis sur Twitter. Elle a dû retourner aux États-Unis parce que son visa est expiré. Eh oui, qu'est-ce que je vais faire? Elle a dit, ben, j'aimerais ça continuer. Je lui ai offert de prendre la relève et de m'occuper du London Loo Tour. Ah, OK. C'est une amie. Il a donné son siphon. Il a donné son siphon, puis elle dit, prends le relais. Puis porte le bling. Il a mis des petits jewels dessus. Oui, so you have jewels on your... Oh, I have blinged out my plunger very nicely. Bling, bling, bling, yes. Very They're nice. Not real jewels, is it? Sadly, no. No. No. Okay. Not quite the crown jewels. No, okay. No. But it's very artistically done, well, and it's. Thank you. It's yes. a bit of a royal flush, right? Yeah. A royal plunger, indeed. This ça, is the most. C'est la toilette la plus patriotique de Londres. Oh, yeah. Yes. Okay. Vous avez besoin d'une toilette patriotique, n'est-ce pas? Yes. Ah oui, ben oui, ben tu sais, une nation qui se tient debout. Oui. Yeah, come on, oui. Venez-vous-en, venez-vous-en. OK, we can go in the... Ah oui, ben oh, oui. Oh, hey, with the dog. Ben, oui. And sunglasses. Nice. Oh, yeah. Really nice. So this is London. Voici la toilette la plus patriotique de Londres, la Jubilou. It does cost 50 pence. Elle coûte 50 pence, mais ça en vaut la peine. They're open 24 hours a day. Elles sont situées sur la rive sud de la Tamise et accueillent 500 000 personnes par année. Elles ont été installées en 2012 pour le Jubilé de Sa Majesté, la Reine Élisabeth. Le motif du drapeau britannique, le Union Jack, est imprimé sur le siège. Oui, c'est ça, c'est merveilleux parce que... Ah oui, OK. So, oui, c'est très, très fun. C'est drôle. Il y a des Union Jack partout sur le bas. L'édifice où nous nous trouvons est conçu pour ressembler à une barge qui descend la Tamise. Nous sommes comme des petits poissons qui nagent à côté de la barge. Les toilettes utilisent même de l'eau de pluie, ce qui est bon pour l'environnement. C'est bien intelligent, ça. Mais c'est well done, it's brilliant, it's very lovely. Il y a la cuvette qui a son petit avec un gros chien qui a des lunettes fumées sur un Union Jack. Il y a la poubelle avec un Union Jack. Tout est avec un Union Jack. Il y a un petit porte-manteau avec un Union Jack dessus. Oui, puis on peut... Please give us your comments on Facebook. Ben, regardons, c'est fin, ça. Ils veulent avoir nos commentaires sur Facebook. When was the Jubilee? 2012. Ah, OK, ça fait quatre ans quand même. On est en 2016. Attends, on est en 2016, ça fait 2012. Ben, ça fait quatre ans. Quatre ans. 2016 moins 2012. Ouais, ça fait quatre ans. 16 moins 12. 16 moins 12. 4 plus 2, ça fait 6. 12 ouais. plus 4, ça fait 16. 2007, ça fait 4 ans. Hey, on va se passer la journée là-dessus. On a des toilettes à visiter. But of course I want to introduce ben oui, je voulais vous présenter la première toilette de Londres, la Tamise. Qui est la Tamise? The River Thames. Ben oui. Yes, the River Thames. That's so right. So people were sitting on the how did it work? Yeah. Well, when the Romans came to London in 43, quand les Romains sont arrivés ici en 43 après Jésus-Christ, ils ont amené avec eux leur connaissance en hygiène et en canalisation. Au sommet de l'Empire romain, il y avait 144 toilettes publiques, très publiques en fait, avec un long banc de marbre où on avait découpé des trous. On y envoyait un serviteur quelques minutes avant de devoir l'utiliser pour réchauffer le siège. Ben oui, c'était froid ce marbre-là le matin. Ben oui, une petite éponge avec un bâton. I saw that in a movie. I think I saw that in Spartacus. Yes, well, that would have been submerged in some kind of a vinegar or a. Il fallait tremper l'éponge dans une solution de vinaigre. On faisait ses besoins en parlant avec ses voisins avant de se nettoyer avec l'éponge. Good morning, sir. Yeah, still. How you doing there? Hey, comment ça va là-bas? Very nice. And then this is where we get the terminology not to grab the wrong end of the stick. Je pense que ce qu'elle dit, c'est que quand tu remettais la petite maillotche que tu t'étais nettoyé avec, tu la redonnais dans le bon bord. Ouais. Pourquoi on parle de ça encore, hein? Je sais pas, mais c'est la vie qui nous amène là. Moi, je veux pas parler. Moi, je veux juste aller voir des monnaies, puis des Cézanne, puis des sculptures, mais la vie me ramène toujours à... David Hockney fait une exposition aussi, hein? Ouais. C'est merveilleux. Alors, on avance dans l'histoire. Le maire de Londres au Moyen-Âge, Dick Whittington, a investi pour faire construire des maisons longues le long de la Tamise pour que les gens puissent y déféquer directement dans le fleuve. Ouais. Les vagues du fleuve jouaient vraiment leur rôle. On avait un petit problème parce qu'en 1800, il y avait 1 million de personnes à Londres. En 1850, c'était 3,5 millions. Plus de gens, plus de merde. Au 19e siècle, avec l'invention de la chasse d'eau, tout le monde voulait une toilette, le high flush du jour. La toilette, d'ailleurs, a été créée par John Harrington au 16e siècle. C'était un bon moyen de se débarrasser du choléra et des maladies dans le genre. Is there a reason why it smells here, or is it just a normal smell? Quand il pleut, ça refoule. Ben oui. Okay. On est maintenant 7,6 millions de Londoniens, après tout. We're quite regular. On est plutôt réguliers. C'est une bonne blague, ça. Oui, yeah, fun. Ils sont assez réguliers. Moi, ça m'arrivera jamais. Il y a plein de choses que vous pouvez faire avec la merde. Pensez-y, c'est un matériel intéressant. C'est gratuit, qui vient en quantité pratiquement infinie. It is an unlimited supply. Mais non, il n'y a pas personne qui va arrêter de faire pipi puis caca. Il y a des compétitions pour savoir quoi faire avec toute cette merde. Un homme a proposé de transformer les excréments en biocarburant. Il y a même un autobus qui fonctionne. Grâce à l'urine et à la merde, le poo bus, qui va de Bristol à Bath. Ben oui, vous pourriez aller là pendant vos vacances, dans le poo bus. So, tell me in French, just so that I can be completely international in my tour. How do you refer to things like going to the toilet, like pee pee or tee tee, poo poo? On fait pipi et on fait caca. Pipi, caca. Okay, so pipi, caca. Yeah, with the French accent. Sometimes we say number one or number two. Do you say number one or number two? Yes. Oh, fantastic. Yes. Oh, we do in America as well. Yes, I think so. Yeah, yeah, I heard people in Ogunquit saying number one and number two. Number one and number two. Maybe it was only for clam chowder sizes. But anyway. Oh, no, je suis coudon. On peut avoir du fun, on est à Londres. Calice. J'ai pas une rabat-joie, mais... Non, mais là... Oh, que tant de choses à voir à Londres. Dans un pub du West End, Anne et Marc font la connaissance d'Alex Gaumont, un acteur québécois qui fait carrière à Londres depuis une quinzaine d'années. Il a entre autres joué dans la comédie musicale Mathilda. Avec Alex, Anne souhaite parfaire son accent brit. On Peux-tu t'entendre, mettons, une réplique de Miss Trunchbull. Oui. Donc, Mathilda, je ne sais pas si vous avez vu le film. Non, là, je n'ai pas vu. C'est un livre de Roald Dahl. C'est une petite fille qui a des elle a des... des illuminations, des... Oui, elle a des visions. Elle kinétique un peu. Ah, OK, OK. Bon. Puis, la directrice d'école est très méchante. Elle est très butch. Tu sais, elle est championne de lancer de marteau aux Olympiques. Oh boy, OK, d'accord. Oui. OK. C'est des gros bras, là. Voilà, c'est oui, oui, oui. Oui, oui, oui, oui, voilà, voilà. Et pour la comédie musicale, ils ont décidé, quand ils l'ont écrite, d'engager un homme pour faire le rôle. Donc, c'est tout le temps un homme qui joue ce rôle-là. Te souviens-tu d'une petite réplique que tu pourrais nous faire avec ton accent british, non? Bon, OK. Matilda Wormwood. Matilda Wormwood. You are none other than a disgusting criminal. A denizen of the underworld. A member of the mafia. This morning you sneaked into the kitchen like a serpent and stole a slice of my private chocolate cake. Oh, la vilaine! C'est tellement beau! C'est tellement beau, cet accent! Mais c'est vrai que c'est beau. Quand t'es arrivé à ton école de théâtre, oui. Ça devait être à peu près les premières fois que tu lisais du Shakespeare en anglais. Oui. Est-ce que tu comprenais tout, toi? Non. Ah non? Ça fait que je suis pas tout seul. Hey, moi, là, depuis, j'ai fait l'école de théâtre il y a très, très longtemps. J'essayais de lire Shakespeare en anglais. J'y arrive jamais. Je me décourage au bout de trois pages parce que je comprends plus rien. Il y a plein de... Et ça, je suis découragée. Je ne sais plus qu'est-ce que ça veut dire. Où est-on? Pourquoi dit-on ça? Où sont les pronoms? Je comprends rien. Oui. Ben oui, où sont les pronoms? Ben oui. J'ai amené avec moi une copie de Richard III en français et j'ai Richard III en anglais. OK, oui. Là, je me disais que... Je ne sais pas, peut-être que tu pourrais nous aider. OK. Moi, c'est parce qu'il y a un mot ici, Pomfret, qui était le nom du château, mais ça me fait rire. Oh, Pomfret. C'est Rivers qui dit ça dans l'acte 3, la scène 3. Mais tu sais, regarde, en français, c'est toujours moins beau, hein, regarde, mais te le faire en français, là, c'est assez ordinaire. Tu le vois-tu ici? Oui, oui, oh, Pomfret. C'est-tu T-H-O-U, est-ce qu'on dit Dodo? Oh, Dao. Puis qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire you. C'est le même que you. Donc, puis, toi. T-H-I. Ou vous. Ça dépend, mais oui. Thy, ça existe-tu, ça, ou c'est moi qui l'ai imaginé? T-H-Y. Thy, oui. Ça, c'est... thy, c'est comme yours. Donc, les vôtres. Ton. T-O-N. Ah, oui. Oui. OK. Thy. Face. Thy face, ça veut dire ton visage. OK. OK. Ah, oui, c'est la chanson de Ferlance. Mais oui. Dis-le donc, oh, Pomfret. Pomfret. Oh, thou bloody prison. Thou, hein? Oui, verbe, c'est ça, voilà. Oh, thou bloody prison. Fatal and ominous to noble peers. Peers? P-E-E-R-S. Qu'est-ce que c'est, peers? Les pères. Non, peers. Non, ça prend un A, des proies. Pairs. Oh, non. Les peers, c'est les pères. C'est mes proches. C'est, voilà, c'est, voilà, voilà. C'est ça, hein, les peers. Mes pères. Tu vois, en français, c'est « Oh, pomfret. » Ben, déjà, pomfret. « Oh, toi, prison sanglante, fatale et néfaste au noble père. » Ah oui, c'est joli quand même. Mais c'est juste le « pomfret ». En français, comment tu dis? Ben, tu le dis bien, oh, pomfret. Ça a l'air d'une pomme froide. Oui, ça a vraiment l'air d'une... Pomfret. Oh, toi, prison sanglante, fatale et néfaste au noble père. Oh, pomfret. C'est pas joli. C'est quoi? Toi, comment tu le dirais? Avec un vrai British accent, ce serait quoi? Oh, pomfret. Oh, ça, thou bloody prison. C'est qui? Rivers? Oui. Oh, c'était où? Oh, pomfret. Oh, thou bloody prison, fatal and ominous to noble peers. Mon Dieu, tu parles vite. Within the guilty closure of thy walls, Richard II here was hacked to death. Here. T'as vraiment, t'as comme toute la campagne anglaise dans les yeux. Pomfret. Puis il y a le bon royaume pour un cheval. La réplique si célèbre, je pense que ça arrive à la toute fin. Ça, c'est quand il se fait tuer, Richard III. Ah oui. Oh, thou? Whose captain I count myself? Look on my forces with a gracious eye. Put in the hands thy bruising irons of wrath, that they may crash down with a heavy fall Je sais même plus où mettre mes accents toniques. Mais cause thy, thy ministers of chastisement that we may praise thee. T-H-E-E, c'est quoi ça, thee? Thee, c'est comme you. Hey, mais écoute, même moi, là... Mais toi, t'as un accent british depuis le temps que t'entends du brit. Mais quand j'étudie du Shakespeare ou que j'apprends des textes, en fait, il y a des versions... Si c'est juste une version avec juste le texte, c'est souvent pas assez. Il y a des versions qui ont des textes et des notes sur chaque page. Donc, chaque expression qui sont un petit peu compliquées, ils vont expliquer ce que ça veut dire, d'où ça vient. Donc, il y a encore des Britanniques qui ont étudié Shakespeare depuis la petite école qui ne comprennent pas tout de Shakespeare. Non, c'est ça. L'idée, c'est qu'il y a beaucoup aussi, il y a beaucoup d'expressions qui sont... Les thy et les thou, ça, ils n'expliquent pas ça, parce que ça... Ça, tout le monde est supposé connaître ça, là, sauf moi, oui. Non, mais ça arrive. T'es pas une exception. Prends du recul, prends-toi un bon spé. Je suis déçu de moi. J'ai juste besoin d'alcool. Non, faut juste que tu penses à toi deux minutes. Non, mais j'ai assez pensé à moi, ça sera plus possible, parce que Shakespeare ne veut pas de moi. Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu aurais... Supposons que tu me coaches, là, en brit. Oui. Moi, je parle pas très bien anglais. Et là, je me crois, là. Là, je vais faire quelque chose que je pense que c'est un bon accent brit. Let me sit heavy. Heavy. Ah, ma musique est bonne. Ça, c'est Brit, ça. Heavy. On thy soul tomorrow. Ho, ho, ho. C'est-tu bon, joyeux ça? Noël. Ben, joyeux Noël. Merry Christmas. Bon, est-ce que c'est bien? Arrivé. Est-ce que le Père Noël est une ordure? Oui, ben, c'est quoi la ligne? C'est juste ici. Qu'est-ce ici, que tu là. Ferais, toi? Let me sit heavy on thy soul heavy. Tomorrow. Mm. Oui. J'irais... Oui, donc le verbe, let me sit heavy on thy soul tomorrow. Tomorrow, same domaine. Tu dirais tomorrow, pas tomorrow. Moi, je l'entends. J'entends Agatha Christie, puis j'entends tout ça, là. Oui, avec là. La petite musique. I beg your pardon, ça. C'est là de même. Angela Lansbury. Ben. Oh, oui. Angela Lansbury. Elle n'avait pas besoin de faire ça, elle, parce que c'est une vraie Brit. C'est pas. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis un peu comme un imposteur, mais ça me fait plaisir de penser que ça se dit de même. Mais je suis complètement à côté de la traque. On peut pas parler comme ça. Ben, tu peux faire un choix de temps en temps, mais si chaque ligne est dite comme ça... C'est très mauvais. Il n'y a pas un acteur qui parle comme ça. Ce ne sera pas possible. Fait que j'aurais pas plus l'air d'une Brit. Si j'arrête quelqu'un dans la rue, là, sans lui lire du Shakespeare en pleine face, parce qu'il va me trouver ridicule, mais... T'appelles pas le juste... thou, thou, thou, oui. Non, je dirais pas thou, thou, thou, thou. Mais si je dis... Bon, au lieu de dire « I beg your pardon, sir », ça, c'est laid. Ça, j'ai l'air d'une grosse Québécoise habitante avec ses gros sabots. Mais si je dis « I beg your pardon, sir », ça, je vais-tu avoir l'air d'une vraie Brit? Ou je vais avoir l'air d'une loin. Folle? Pas trop loin. Oh oui, bien, un peu loin, quand même. Une autre fois? I beg you, je suis gênée. I beg your pardon. Pardon. Ça, c'est bien, hein? Au lieu de dire pardon, je vais dire pardon. I beg your pardon, ça. Ça, ça. Ça. Est-ce qu'il faut que je fasse le. Je le dis pas, le R, ou je fais semblant de le dire? Je fais non, du. Tu dis pas, ça. Non. Ça. Sir. Comment? Sir. Beg your pardon, sir. Ah oui, je l'ai à moitié entendu, ton R. Beg your pardon, sir. I beg your pardon, sir. Voilà, voilà. Et étais-tu bien, là? C'est j'avais bien, un beau ça. Son. Ça, c'est magnifique, ça. Puis quand t'es confortable, le « I » au début, il est moins important. Beg your pardon, sir. Puis ça, c'est poli quand même. Oui, oui. OK. Ouais. Je vais m'essayer tantôt. Ah oui, tu vas essayer. Je vais demander l'heure, quelque chose. À tout le monde. Ben oui. Ben oui. Beg your pardon, sir. Beg your pardon, sir. Allez, c'est toi, tu vas faire le tour de la... Beg your pardon, sir, beg your pardon, sir. Oh, yeah. Ho, ho, ho, ho, Merry Christmas, sir. Oh, yeah, oh, yeah. J'adore parler l'anglais. T'es prête, je suis prête, hein? Non, vraiment, on peut l'envoyer dans les nues. C'est vraiment un grand plaisir, tu y offres, là, Alex. Oui. Ah, ouais, vraiment, merci. Je suis tellement contente. Do you serve scones? Do you serve scones? There you go, scones. Oh, scones. Voilà, scones. Scones. Ils vont peut-être pas t'en donner. Répète le don. Scones. Scones. Voilà. Scones. Là, on peut pas penser que je suis québécoise. Là. Non, non, non. Ni française, ni... Non. On va penser que je suis une vraie British, mais qui vient peut-être d'un petit quartier un petit peu plus éloigné, peut-être. I'd like one more scone. Please? Oh, mon Dieu. Oh! À part du please, t'as pas hey, good, hey, ah, le please est bon. Trop affecté. Il n'y a pas personne qui parle comme ça, à part les vieilles mémées anglaises qui boivent du thé, voilà. Qui sentent le vieux thé, la vieille poche. Bon. Non, non, mais je suis donc contente. J'apprends plein de choses. Mon Dieu, que je suis heureuse. Ben oui, mais c'est magnifique, mais t'as l'air bien. Hey, je t'ai vu heureuse souvent, mais rarement comme ça. Là, je te sens vraiment bien. Ah, oui. Sur le comptoir du pub anglais, qui n'a rien envie à leur célèbre table rapportée de Marrakech, Anne et Marc inondent d'encre les cartes postales achetées chez Liberty's pour leurs amis Camille, Thomas, Joseph, Guillaume, Morgane, Guy, Patrick, Sylvie et Francis. C'est ici que s'arrête le plus beau jour de ma vie. Enfin presque, parce qu'avec Marc Labrèche et Anne Dorval, il n'y a qu'un pas entre Shakespeare et les Spice Girls. You just walk in, I make you smile. It's cool, but you don't even know me. You take an inch, I run a mile. Can't win, you're always right behind me. And we know that you could go and find some other. Take or leave it or just don't even bother. Cut in a craze, it's just a phase. Oh, will this be around forever? Don't you know it's going too fast? Racing so hard, you know it won't last. Don't you know? What can't you see? Slow it down, read the signs so you know just where you're going. Stop right now, thank you very much. I need somebody with a human touch. Hey, you, always on the run. Gotta slow it down, baby, gotta have some fun. Yes, you're gonna break down. You've crossed the line, so you're gonna have to turn around. Don't you know it's going too fast? Racing so hard, you know it won't last. Don't you know? What can't you see? Slow it down, read the sign, so you know just where you're going. Stop right now, thank you very much. I need somebody with a human touch. Hey, you, always on the run. Gotta slow it down, baby. Keep it down, honey, lay your backs on the line. Cause I don't care about the money, don't be wasting my time. You need less speed, get out of my case. You gotta slow it down, baby, just get out of my face.